personne ne reste amnésique. Je rime pour mes guerrières, je rime pour mes frères. Je rime pour que les DJ scratchent ma misère. Je rime pour les vibes qui manquent dans ce pays. Je rime et toute l'audience écoute ce que je dis. Je rime pour la monnaie, toi-même tu sais il en faut. Je rime plus en francs, aujourd'hui je rime en euros. Mais je rime disgras si t'as vraiment besoin de ça. Je rime si ton aura ne ment pas. Je rime comme personne n'a jamais rimé. Je rime pour que le hip-hop soit respecté. Je rime, tu rimes, we all rime for ice cream, you scream, we all scream pour ma rime. Je rime pour les minorités, dont la majorité croule sous l'autorité. Je rime pour les crous blessés, je rime pour les crous du ghetto français. Je rime pour que tu puisses sortir ton CD, mais seulement après que le mien ait tout niqué. Sans se faire maquer, je rime bien et tu le sais. Pour ceux qui savent foncer, ceux qui résistent foncer, ceux qui me comprennent foncer, ceux qui sont down foncer, celles qui en bas foncer, celles qui persistent foncer, toutes celles qui m'aiment foncer, celles qui sont down foncer. Je reste actif, tu sais, pour rester libre, tu sais. Si vous êtes là, jumper, si vous êtes là, crier. Mais si tu restes muet, t'inquiète, on sait où donner. Pays des morts vivants, font qui bavent, tu connais, connais. Je rime pour ma famille, mes amis et mes proches. Je rime pour avoir toujours de la wiki dans mes poches. Je rime pour qu'on n'oublie pas, mais pas pour qu'on n'oublie pas. Si t'as pas compris, ça c'est que cette rime n'est pas pour toi. Je rime pour les blancs, noirs, arabes ou chinois. Pour les femmes, pour les hommes, pauvres ou bourgeois. Car mes rimes sont universelles comme la musique qui les berce. Je rime tous les jours et pendant plusieurs heures je m'exerce. Je rime pour mes ennemis, pour tous ceux qui n'ont pas compris. Chaque rime que j'écris un jour aidera leur énergie. Je rime pour le peuple qui m'aime, pour qui chaque jour est problème. Il n'y a pas de bluff, parole dans un cœur qui saigne. Je rime pour mes girls, nana, faut bien que je la place. Massage et câlin, je vous laisse vos tasses. Je rime pour les dealers de crack et arracheurs de sac à main. La force obscure des fois contamine des gens bien. Je rime pour ma vision décalée du monde. Je rime pour tous les carnavals et tous les massifs sound. Je rime pour Marcos, Mumia et Léonard. Et tous ceux qu'on connaît pas et qui pourrissent au mitard. Pour ceux qui savent foncer, ceux qui résistent foncer, ceux qui me comprennent foncer, ceux qui sont down foncer, celles qui en bas foncer, celles qui persistent foncer, toutes celles qui m'aiment foncer, celles qui sont down foncer. Je reste actif, tu sais, pour rester libre, tu sais. Si vous êtes là, jumper, si vous êtes là, crier. Mais si tu restes muet, t'inquiète, on sait où on est. Pays des morts vivants, font qui bave, tu connais, connais. Je rime pour contrer toutes les langues de putain qui ne seraient même pas en place s'il n'y avait pas eu assassin. Je rime pour l'histoire et tout est dans ma tête. Ma mémoire n'est pas atteinte, on l'appelle la formule secrète. Je rime pour les poètes du futur. Je rime pour l'africaine armure. Je rime pour les coups les plus matures. Je rime et quand je rime, ma gueule vient pas tester mes figures. Car quand je rime pour tous les traîtres de vampire. Finissent dans le fire, finissent dans le fire. Je rime et quand je rime, ça a plus de poids que mon vote. Mon crew est légendaire et toutes les nuits ma rime s'exporte. Bang bang, deux balles dans une porte. J'esquive, me relève, plus fusque à droite devant le vent m'emporte. Je rime pour le hip hop, je parle de cette époque. Cool DJ Herc, Hancock le rock. Yes yes you're, to the beat you're. Ah yes yes you're, and you don't stop. Je rime comme mes gars de Brooklyn avec l'assassin swing. Des millions de dollars vaut mon publishing. Je rime intemporel, mais je rime dans le réel. Et quand tu rimes sur mes rimes, ça laisse des séquelles. Pour ceux qui savent foncer, ceux qui résistent foncer, ceux qui me comprennent foncer, ceux qui sont down foncer, celles qui en bas foncer, celles qui persistent foncer, toutes celles qui m'aiment foncer, celles qui sont down foncer. Je reste actif, tu sais, pour rester libre, tu sais. Si vous êtes là, jumper, si vous êtes là, crier. Mais si tu restes muet, t'inquiète, on sait où on est. Pays des morts vivants, font qui bavent, tu connais, connais.